9, observation, personal subject pronouns. Au singulier, je vais bien. Tu vas bien? Vous allez bien? Il va bien. Elle va bien. Au pluriel, nous allons bien. Vous allez bien. Vous allez bien. Ils vont bien. Elles vont bien.